Bien, ben je vous propose de commencer. Malheureusement, je n'ai pas pu être là hier, donc je ne pourrais pas essayer de résumer ce qui s'est dit hier. Donc, je suis là pour prendre le train en marche, en quelque sorte. Ah ben non, si la première intervenante s'en va, c'est de... Ah bon. Et donc, je passe tout de suite la parole à Claire Pagès, qui va nous présenter une communication intitulée « Diversité, langue et sympathie ». Le problème de la connaissance des individualités éthiques et historiques. Merci. Merci d'abord à Alexis et à Catherine pour cette invitation et tout ce colloque passionnant et cette organisation. Je vais vous parler donc de diversité, langue, sympathie, le problème de la connaissance des individualités éthiques et historiques. Et je vais partir de la pensée de Herder. Alors, je vais introduire mon propos en le situant par rapport à un certain nombre de choses qu'on a dit et établies hier. D'abord, peut-être je peux commencer en faisant l'écho d'un étonnement qui pourrait être légitimement le vôtre concernant l'objet de cette intervention. Pourquoi est-ce que je vais revenir sur ce qui est, je crois, la plus ancienne théorie de l'empathie si... Une des raisons pour lesquelles on est réunis, c'est de discuter finalement sur des perspectives contemporaines de l'empathie. Et c'est vrai que j'ai été rechercher ce qu'on pouvait faire de plus vieux en la matière, donc de moins contemporain. Je vais peut-être essayer de défendre l'intérêt de cette perspective herderienne sur l'empathie. Et il faut que je rappelle certaines choses. On oublie très souvent Herder comme précurseur des théories de l'empathie, et on pense qu'à Fischer et à Lipps, peut-être parce que le terme Einfühlung ne se trouve pas exactement comme tel chez Herder. Je ne peux pas complètement l'assurer, parce qu'il y a des millions de pages dont un centième est traduit. Il n'y a aucune des éditions allemandes qui comporte d'index, donc moi je n'ai pas lu les millions de sermons qu'il a écrits. Mais je ne crois pas qu'il y ait Einfühlung, mais par contre il y a des occurrences du verbe Einfühlen qui sont très importantes. Bon, le concept d'Einfühlung, il est manifestement présent, et l'ensemble du lexique, du sentiment, du sentir, et même de la sympathie chez Herder, sert à désigner des phénomènes d'empathie. Pour reprendre des distinctions qu'on a faites hier, je dirais que Herder, c'est un penseur, du moins pour les individualités culturelles et historiques, que c'est un penseur de l'empathie, au sens qu'on a exhumé hier, d'une impression subjective qui est produite par simulation mentale, et qui procède d'un décentrement de soi, d'un décentrement de sa propre perspective. Dans le contexte qui va m'intéresser, Herder ne s'intéresse pas à un phénomène par lequel je vivrais la même chose en même temps que quelqu'un. Il ne s'intéresse pas à la question de l'identification des perspectives. Et même quand il va parler de Mitfühlen ou de sympathie, il est question d'importer le sentir d'autrui en moi et pas de sentir en autrui. Donc je reprends la distinction qu'on a faite hier entre empathie et sympathie. À cet égard, la perspective herderienne, elle est encore plus intéressante parce qu'elle comprend deux types au moins d'empathie. Une empathie de premier ordre qui est immédiate et qui est... une sympathie de résonance ou une sympathie de réverbération, comme dit Herder, donc qui est une sympathie, et une empathie de second ordre, qui va surtout m'intéresser, et qui, elle, est médiate, et qui est celle qui est en jeu dans le rapport à la diversité culturelle. Bon, donc une première, peut-être, justification de mon propos serait de faire valoir l'intérêt qui a été trop souvent méconnu de cette théorie herderienne de la connaissance empathique, qui est double. Et je vais essayer de restituer ce qui est le cadre à la fois ontologique et épistémique de cette théorie. Et du coup, va se trouver confirmée ce qu'on a un peu dit hier, le fait que ce qui est la première grande théorie de l'empathie, possède un ancrage qui est naturaliste et qui est très fort, même s'il s'agit d'un naturalisme expressiviste. Mais en tout cas, il y a un cadre qui est naturaliste, ce qu'on disait hier, ce que disaient Jean-Michel Sahansky et François-David Seba, ils avaient l'air de dire que finalement, les critiques de la perspective empathique, elles étaient, c'était des ruptures avec le naturalisme. Bon, je vais un peu confirmer ce qu'ils ont dit. Alors, on est aussi réunis pour interroger les paradoxes de l'empathie. Et à cet égard, la référence herderienne, je crois, elle prend tout son sens. L'empathie se présente en effet chez Herder comme la solution qu'il trouve à un problème et qui semblait insoluble. Alors, quel est ce problème ? Herder pose d'une part l'altérité radicale des cultures, qu'elles soient passées ou présentes, c'est-à-dire qu'il pose l'absolue diversité des individualités, éthiques et historiques, et en même temps, d'un autre côté, il va dénoncer comme fautive la connaissance de cette diversité par comparaison, par notion générale, par caractérisation, qui serait celle des Lumières. Et la connaissance empathique, elle va nommer la réponse herderienne au paradoxe que Herder fait émerger et que représenterait la saisie fidèle et respectueuse de l'altérité culturelle dans sa radicalité. Du coup, le dispositif herderien, il serait avant l'heure inverse de celui de Lévinas, qu'on a dégagé hier, tel qu'on l'a décrit, puisque justement l'empathie chez Herder, ça doit permettre de saisir l'altérité dans son altérité, alors qu'on a montré que chez Lévinas, autrui n'était rencontré comme tel ni dans la connaissance, ni dans la reconnaissance, ni dans l'empathie. Je pointe déjà, avant de commencer, peut-être ce qui fait l'originalité de la théorie herderienne de l'empathie, et pourquoi je voulais vous la présenter. D'abord, elle a principalement pour objet la diversité culturelle et pas vraiment l'altérité d'autrui, donc c'est pas du tout une question d'intersubjectivité. Pour l'empathie de second ordre. Ensuite, c'est pas du tout une passion, un pâtir ou un ressenti. Ça qui m'intéresse, c'est que l'empathie, chez Herder, c'est d'abord une connaissance. Et la connaissance empathique, c'est la connaissance qui prétend saisir la différence comme différence, l'autre culture dans son organicité. Et sous ce rapport, on va voir que l'empathie, c'est un sentiment qui est produit, cultivé, et qui nécessite plein de ressources d'érudition et un gros travail de l'imagination. Alors, je vais procéder peut-être en trois points. Je vais essayer de vous restituer peut-être le cadre philosophique dans lequel cette première grande théorie de l'empathie est devenue possible, qui est un cadre expressiviste et empiriste. Ce sera mon premier point. Je vais essayer d'aller plus vite pour en venir au fait, quand même. Alors, c'est la théorie herderienne de la sympathie, elle s'enracine dans un cadre philosophique qui est précis et qui est solidaire de ce que Charles Taylor a appelé le tournant expressiviste de la philosophie. Et Herder participe au premier chef à cette théorisation qui est typique du Sturmundrang et du premier romantisme et qui intériorise la nature et qui fait de la nature une source intérieure. Cette idée, elle trouve même chez Herder sa première formulation importante. La pensée de cette impulsion intérieure de la nature qui situe la vérité, le sens en nous, elle va justifier la promotion morale et épistémique des sentiments. L'homme se trouve ainsi inscrit dans un ordre naturel qui est plus large, auquel il accède en lui-même par le biais de sa conviction intérieure et avec lequel il doit être en harmonie et qui doit exprimer. Ici va s'originer les critiques des appréhensions qui sont seulement extérieures de la nature et auxquelles je viendrai tout à l'heure. Cette voix intérieure de la nature en nous, elle peut être étouffée Et il va s'agir, pour Erdor, de renouer le contact avec elle et de s'ouvrir à cette impulsion de la nature en nous. Il a exprimé, je crois, de façon assez saisissante, cette idée d'un, qu'un élan parcourt la nature et jaillit comme voie ou impulsion dans l'intériorité humaine. Et ça donne lieu à sa théorie de l'empathie de premier ordre. Je vous ai mis les citations dans un texte qui est très, très important, qui s'appelle « Sur la connaissance et le sentir de l'âme humaine ». Il représente la nature comme un vaste courant de sympathie qui parcourt toutes les choses. Hein, je vous ai mis la citation « Regarde toute la nature, considère la grande analogie de la création, tout se sent soi-même et son semblable, la vie se réverbère dans la vie ». Et l'homme va être celui à qui est donné de formuler et d'exprimer cette analogie. Cette théorie de l'empathie de premier ordre, elle est en particulier formulée au début du traité de l'origine du langage, qui s'ouvre sur cette vibration des cordes naturelles du sentiment. Je vous ai mis des citations. « La corde touchée remplit son office naturel, elle résonne, elle appelle un écho pareillement accordé. » Et du coup, le langage viendrait de cette loi naturelle qui pousse l'être sensible à exprimer en un son ses sensations et à les communiquer. Je vous ai mis des citations. Si bien que pour Erdor, à l'origine du langage, il n'y a pas de pensée ou de réflexion, mais il y a cette loi de nature d'expression sympathique et sympathisante. C'est pourquoi Charles Taylor va parler d'expressivisme à propos de cette théorie herderienne, puisque la réalisation en chacun de l'impulsion intérieure de la nature en nous, impulsion qui nous revient de formuler, c'est une forme d'expression de l'existence. Et cette formulation, elle va être différente et originale chez chacun. Herder dit « Chaque être humain a sa propre mesure, pour ainsi dire, un accord qui lui est particulier de tous ses sentiments, les uns avec les autres. » Cet homme de Herder, c'est une profondeur qui est dotée d'un pouvoir d'auto-formulation expressive, beaucoup plus que d'un pouvoir de maîtrise rationnelle sur lui-même et sur ses affects. À cet expressivisme est adossé le mouvement d'individuation qui sera central chez Herder et dans sa théorie de l'empathie. Si chacun est un accord original d'un courant naturel de sympathie, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de lui, hors de lui-même, une explication. Et Herder, je le présenterai, va étendre cette pensée à l'originalité, cette pensée de l'originalité au peuple, qui témoigneront chacun d'une réalisation originale de l'idée d'humanité dans l'histoire, disqualifiant toute tentative de les juger ou de les saisir à partir d'un modèle qui serait extérieur à eux. Ce qui posera en retour le problème de leur connaissance et ce qui permettra d'introduire la théorie de l'empathie de second ordre, la théorie de la connaissance empathique. Ce premier cadre philosophique est esquissé, on comprend l'importance qu'ont dû prendre à l'intérieur pour la vie morale les sentiments. Et le comportement moral et la vie bonne vont être conditionnés par une attitude appropriée à l'égard de cet accord à l'ordre naturel, et pas du tout par une rupture. Et il est question d'une écoute de la voix et de l'impulsion intérieure. De la nature en nous. D'où en particulier, chez Herder d'abord, l'abandon et la disqualification de la coupure entre éthique et esthétique. Et une tentative pour penser un complexe entre jugement intellectuel et engagement émotionnel. Et se libère, chez Herder, de ce premier dispositif philosophique, un deuxième élément que je restitue et qui est son empirisme radical. Ce point est important, à mon avis, parce que l'approche herderienne de l'empathie, c'est une approche de la connaissance empathique. Et Herder va partir de cet empirisme, hein, cette idée que tout ce qui est véritable et originel doit être perçu de façon sensorielle. Toutes nos passions, écrit Herder, je vous ai mis la citation, peuvent et doivent être opérantes justement dans la connaissance supérieure, parce que celle-ci se développe à partir de toutes et ne peut vivre qu'en elle. La critique herderienne des Lumières, elle va donc être adossée à une double ontologie, une ontologie esthétique et une ontologie de la force que je ne peux pas vous présenter ici. Et contre ce qu'il comprend comme le projet de faire triompher la raison, il va défendre le fait que la raison doit suivre l'imagination, et il va défendre une véritable consistance de l'affectivité, d'où le procès un peu systématique de la spéculation philosophique, entendu comme un discours solitaire et suffisant au-dessus des événements de l'expérience. Il faut, pour Herder, partir, c'est l'ontologie herderienne, de l'être, comme dit-il, le concept le plus sensible de tous, hein, dans un texte qui s'appelle « L'essai sur l'être ». Bon. Et c'est pour ça qu'il y a un projet de s'élever, d'élever le sensible à une connaissance claire et distincte, qui est la connaissance esthétique, hein, comme voie la plus sûre vers le savoir. Et on va voir que la connaissance empathique, c'est un type de cette connaissance esthétique. Alors, maintenant que je vous ai restitué ce cadre, qui me semble important pour le comprendre, pour comprendre la théorie herderienne de l'empathie peut-être de second ordre, il faut, pour comprendre cette théorie, que j'apporte un deuxième élément, et c'est mon deuxième point, c'est l'idée que la philosophie herderienne, c'est une philosophie des individualités. Éthique, historique et linguistique. Et la connaissance empathique, elle se déploie chez Herder dans le cadre d'une philosophie des individualités. Herder s'appuie, on l'a souvent remarqué, sur la monadologie leibnizienne, et il développe à partir de là une monadologie historique pour restituer ce qu'il croit être la diversité irréductible des cultures. Donc il part donc de l'indépendance des individualités. Chacune est comme une substance individuelle, avec des expressions propres et un développement autonome. Chez Herder, toutes les cultures, elles sont posées comme de droit égal, parce que elles sont toutes vues comme autant d'individus égaux. Ce sont des individus collectifs. Là, il y a un gros travail de Louis Dumont qui a montré comment Herder, en fait, transférait l'individualisme qu'il transcende de façon holiste au niveau des particuliers, des individus particuliers, comment il transfère ça au niveau des entités collectives et culturelles. Ça veut dire que Herder accepte ces deux traits majeurs de la modernité et de l'universalisme, qui sont l'égalité et l'individualité. Simplement, il les pose au niveau culturel en affirmant le droit égal de toutes les cultures et en transférant l'individualisme au plan des collectivités. À partir de là, l'histoire, quand on la pense concrètement, ça va devenir une succession de périodes autonomes avec des différences culturelles irréductibles. Herder parle d'une chaîne infinie dont chaque peuple est un maillon irremplaçable. Chaque maillon, c'est une étape, mais aussi un centre autonome. Est ainsi introduit, pour corriger la tendance qu'a la raison des Lumières à penser un progrès qui serait continu et orienté, ce que peut-être Bertrand Binoche a appelé chez Herder un principe de compensation. Ça veut dire que l'histoire est faite d'alternances compensatoires et produit une succession de points d'équilibre interne à chaque époque ou peuple. Et de ce fait, chaque moment historique, c'est à la fois un moyen et une fin. Et chaque moment va posséder sa valeur essentielle, hein, son génie particulier, qui ne peut pas être saisi de façon instrumentale. Ça veut dire, comme dit Herder, que chaque Stufe der Kultur est doté d'une même somme de bonheur, et selon une formule qui est devenue célèbre, chacune porte en elle son centre de félicité. Ça veut dire qu'on ne peut rien mépriser, si tout est aussi une fin. Bon, c'est pour ça qu'on a parlé d'un pluralisme radical chez Herder et des contradictions peut-être éthiques et politiques de ce pluralisme. Je passe peut-être vite là-dessus. Alors, chaque culture qui est son propre, va être son propre modèle parce que elle a en elle-même, comme la monade, son principe de développement. Et Herder va fustiger, d'une part, la connaissance du divers à partir de modèles étrangers ou à partir d'un étalon, et d'autre part, le fait de livrer une culture à un modèle étranger, à la fois dans toutes les formes de colonisation et dans toutes les formes d'hégémonie, et lui vise surtout l'hégémonie de la langue et de la culture française au XVIIIe siècle, avec cette idée que la portée historiquement limitée d'un système de valeurs condamne toute prétention d'une époque, et pense surtout aux Lumières, à l'universalité. La connaissance empathique de la diversité, ça va alors être la réponse qui est élaborée par Herder à ce qu'il comprend dans les Lumières françaises, mais aussi la Aufklärung, comme à la fois un universalisme, un comparatisme et un mécanisme qui occulterait la diversité en faisant manquer l'altérité culturelle du fait de la généralisation des valeurs et de normes critiques dont on ignorait la localisation. Ça veut dire que les Lumières conduiraient non pas à connaître et comprendre la diversité dans sa double dimension, hein, le passé, l'altérité culturelle, mais à juger et à dévaluer à la fois les cultures du passé par rapport au présent et les cultures dominées par rapport à une culture occidentale dominante. Bon, je passe sur peut-être la réhabilitation herderienne des préjugés et des traditions contre leur procès systématique par les Lumières, qui est mieux connu. La connaissance empathique, elle doit d'abord faire pièce au comparatisme des Lumières, qui rejetterait comme inférieur, du point de vue du développement de la raison, les logiques culturelles, éthiques, esthétiques, politiques différentes. Je vous ai mis des citations. Et il y a deux exemples de ça qui sont peut-être frappants chez Herder. De ce rejet de toute hiérarchisation comparative à laquelle il va opposer, conformément au principe de compensation, une méthode d'appréhension fondée sur l'empathie. Deux exemples, la condamnation du despotisme oriental par la philosophie des Lumières. Herder dit, si on arrive à sympathiser avec une époque, on va comprendre de l'intérieur le sens et la fonction de ce despotisme. Hein, je vous ai mis la citation. C'est précisément parce que nous sommes si peu capables désormais de la comprendre, de la sentir, et encore moins de la goûter, que nous la raillons, la nions et nous méprenons sur elle. Bon, il y a un deuxième exemple qui est la critique par Herder du traité sur l'art égyptien de Winckelmann. Hein, il dit Winckelmann n'a jugé les œuvres d'art égyptienne que d'après un critère grec, d'après un critère extérieur. Je vous ai mis la citation aussi. La sympathie, elle va viser ensuite ce que Herder comprend comme le mécanisme des Lumières. Il va critiquer la pensée des Lumières comme pensée abstraite, hein, le goût du général, de l'universel, qui serait synonyme d'une méconnaissance des individualités. Alors pourquoi cette raison, elle est mécanique, et Herder dit même machinique parfois? Elle l'est surtout. Il vise surtout le fait que ce type de pensée est quantificatrice. C'est-à-dire qu'il y aurait des identifications quantitatives, les fameuses caractérisations qui seraient utilisées. Ces quantifications, elles seraient appliquées à tout type de connaissances, alors que, pour Herder, les singularités, hein, qu'elles soient celles des particuliers ou des individualités nationales et historiques, elles sont porteuses de spécificités qualitatives infinies. Je vous ai mis aussi une citation. Alors, de cette pensée radicale de l'individualité émerge un problème, celui de la connaissance des individualités. si chaque notion présente et passée est un individu, et si la connaissance comparative, rationnelle et générale est fautive, comment est-ce qu'on va avoir encore une connaissance de la diversité éthique, culturelle et historique ? Cette difficulté, elle est renforcée du fait que, dans le cadre historiciste de la pensée herderienne, l'ancrage historique du sujet connaissant limite nécessairement sa vue et rend nécessairement partielle la connaissance d'une individualité. Et elle est encore accentuée, cette difficulté, par ce qui est, pour Herder, l'abstraction fondamentale du langage. Je peux en venir maintenant à la connaissance empathique comme la solution herderienne pour comprendre la diversité. Alors, l'empathie de second ordre, ça va être le type d'intuition qui permet la compréhension de l'altérité. L'empathie, c'est donc un mode du sentiment, et il y a un mot d'ordre formulé par Herder qui est, je vous l'ai mis, « Fühle dich in alles hinein », et que le traducteur Rouchet explicite en disant « Plonge-toi dans tout cela et ressens-le toi-même ». Quand c'est une intuition historique, cette intuition, c'est une forme d'empathie, et il va s'agir de considérer dans le sentiment tout ce qu'un peuple a pu savoir, connaître, vivre, penser. L'identification, elle prend alors pour objet l'ensemble des circonstances de vie, afin de saisir une altérité dans son originalité et sa contingence historique. Le principe de la connaissance et de l'interprétation historique, c'est donc le suivant. Hein. Pour l'interprétation de l'histoire, je cite Herder, « Pénètre dans ce siècle, cette région, cette histoire entière. Plonge-toi dans tout cela et ressens-le toi-même. » La monadologie historique et culturelle impose donc, comme méthode et type de connaissance, une approche qui est fondée sur l'empathie. Celle-ci, elle évite toute hiérarchisation comparative dont les Lumières seraient coutumières. Au contraire, si on sympathise avec l'époque, on va arriver chez Herder à une justification radicalisée de tous les contenus, de toutes les logiques. Peut-être je passe un certain nombre d'exemples, mais il y a des formules herderiennes très frappantes. Il dit « être un pasteur parmi les pasteurs avec les Hébreux »,« sentir comme un Grec avec les Grecs bon. ». Cette connaissance, elle est dirigée d'abord contre la rationalité des Lumières, et en particulier contre Voltaire. Et elle s'inscrit dans une filiation assez rousseauiste, comme l'a dégagé Marc Crépon à propos de la pensée rousseauiste des voyages. Peut-être je saute ça. La philosophie herderienne de l'histoire, adossée à un impératif de connaissance empathique, elle induit donc, par rapport aux Lumières, une inversion du rapport entretenu à la diversité, au passé, à l'altérité culturelle. Et elle permet une saisie de la diversité qui ne caractérise pas. On a parlé pour Herder d'anti-caractérisation des peuples. Cette connaissance empathique permet chez Herder de saisir, elle permet de saisir quoi ? Elle permet de saisir la série complète des attributs d'une substance éthique. Je vous ai mis la citation. La nature totale de l'âme qui règne dans tout, qui modèle d'après soi tous les autres penchants et toutes les autres facultés de l'âme et colore jusqu'aux actions les plus indifférentes pour les ressentir, n'emprunte pas ta réponse à un mot. Ainsi, elle s'oppose à la connaissance analytique et à l'abstraction qui ont été mises en cause, car ce qui est important dans l'empathie herderienne de second ordre, c'est qu'aucun trait caractéristique n'est extrait ni isolé. Ça veut dire que l'empathie, c'est une intuition de l'ensemble des prédicats comme formant un tout organique. Pour une nation présente ou passée, comme pour un individu, le sentiment empathique a pour objet la nature de l'âme qui règne dans le tout. Et comme saisie de la totalité, c'est une anti-quantification, une anti-quantification chez Herder. Alors, la question, c'est alors celle de savoir, d'une part, comment s'exprime cette intuition de la totalité organique que forme une époque, et d'autre part, finalement, quel est son médium. Il semble que cette intuition de l'âme d'une individualité éthique et historique s'ancre dans la langue et trouve ensuite à s'exprimer par un travail de la langue. Ça signifie, chez Herder, qu'un autre usage de la langue est possible, un autre usage que celui qui ressort de la caractérisation. La connaissance empathique herderienne, elle commence avec la formulation de réserves concernant l'emploi des mots et des expressions dans le rapport à l'altérité. Je vous ai mis des citations, plusieurs citations, donc elle commence par une remise en cause du langage qui abstrait et qui se rapporte à l'autre en extrayant ou en isolant telle ou telle caractéristique, alors que la connaissance empathique l'appréhende comme un tout concret. Hein, je vous ai mis cette citation à propos de la peinture des peuples anciens et lointains. Herder s'exclame « Pas l'image incomplète et effacée des mots, il faudrait que s'y ajoute ou que l'ait précédé tout le vivant tableau du mode de vie, des habitudes, des besoins, des particularités du pays et du ciel. Il faudrait commencer par sympathiser avec cette nation pour sentir un seul de ses penchants, une seule de ses actions et tout leur ensemble. » Bon. Ouais, j'essaye d'aller vite. D'un autre côté, celui qui sympathise peut exprimer sa sympathie dans sa propre langue. Et bon, on a souvent vanté les talents de Herder en matière de reconstitution de tableaux vivants d'époque lointaine. Alors, si la langue, je vais essayer d'aller vite, ouais. Si la langue est au premier chef l'organe de la sympathie, pour sympathiser avec l'âme de sa propre culture, il faut aussi posséder sa langue. Et c'est pourquoi Herder va dire qu'en coupant un peuple de sa langue, on le prive de l'organe finalement d'auto-empathie. D'autre part, pour pouvoir sympathiser avec une époque et une culture, s'impose de ne pas réduire la langue à une fonction institutionnelle. Et il y a toute une théorie herderienne du langage qui part de la conscience de l'originalité expressive de chaque langue. Hein, et de l'idée que la sympathie va s'ancrer dans la langue de l'autre, ce qui impose à la connaissance historique l'exigence de connaissance des autres langues. Hein, Herder dit, finalement, en n'apprenant pas l'allemand, on ne peut pas sympathiser avec la culture allemande, il vise Voltaire. J'ai encore un point avant de conclure. Bon, il y a une difficulté importante qui a été soulignée ici, en particulier par Marc Crépon, qui consiste à remarquer... à dire, mais qui sent parfaitement une langue, son originalité, sa subtilité, son esprit, sinon celui dont c'est la langue maternelle. Bon. Et on dit finalement cette empathie, est-ce qu'elle n'est pas exigeante au point de devenir impossible, hein, puisqu'elle serait accessible finalement aux locuteurs qui sont natifs. Bon, je crois pas que l'objection soit complètement fondée, et Herder nous donne des exemples assez magistraux de cette connaissance empathique. Je voudrais juste indiquer deux prolongements herméneutiques importants. Cette théorie de la connaissance sympathique, elle trouve chez Herder des implications importantes quant à l'herméneutique des textes littéraires et quant à l'herméneutique des textes sacrés. Herder pose aussi le problème de la connaissance de la pensée qui est exprimée dans un texte et une connaissance qui saisirait son étrangeté. Il y a le principe de l'herméneutique herderienne, c'est, je vous l'ai mis, chaque livre doit être lu dans son esprit. Et ainsi en est-il du livre des livres, la Bible. Bon, peut-être je ne développe pas toute cette question de la connaissance empathique du texte biblique, mais il y a un ensemble d'exemples chez Herder où il valorise des adaptations littéraires de la Bible et les adaptations qui savent être empathiques. Bon. Et juste avant de conclure, de tout cela découle chez Herder l'exigence de traduction qui sont plus des transpositions mécaniques dans une autre langue, d'un contenu de pensée, mais qui sont des traductions qui sont sympathisantes. C'est-à-dire, il va poser l'urgence de la connaissance des autres langues et l'urgence de traductions qui soient des traductions, il dit, créatives, qui soient un travail infini de sympathie. Je conclue rapidement. L'empathie de second ordre, elle s'offre alors comme la seule connaissance intègre de la diversité historique et culturelle, qui serait respectueuse de leur altérité radicale. C'est une connaissance qui est médiate, qui est imaginative et qui est la saisie d'une totalité. Olivier Dekens formule très précisément le type d'identification dont il s'agit et qui n'est pas une fusion ou une communion dans le sentiment. Je le cite, « Le concept d'Einfühlen rend possible une anthropologie décentrée qui exige une certaine ascèse de nos propres valeurs pour mieux se fondre en celles d'autrui. Il constitue le pendant intellectuel de l'attitude respectueuse que Herder exige du philosophe. Il en structure aussi le prolongement scientifique, puisqu'il permet une véritable connaissance selon le point de vue de l'autre. » Une Einfühlung de type herderienne préside depuis, sans filiation ou héritage direct, tant la pensée de Herder a été à la fois méconnue et décriée, cette Einfühlung de type herderienne, elle préside à la connaissance de type ethnologique. En effet, l'anthropologie contemporaine, elle part d'une part de la position de la diversité culturelle, là vous vous souvenez du début de race et histoire, qui s'ouvre sur l'affirmation, sur une formule un peu herderienne, l'affirmation de la diversité des cultures, ou de la, Lévi-Strauss dit, le développement de l'humanité n'est pas uniforme. Donc, principe herderien, et elle part également de la nécessité d'une approche sympathisante de la différence culturelle, d'une exigence qui est herderienne de pénétrer de l'intérieur une logique culturelle en opérant une réduction de sa propre perspective, de son ancrage et de son système de valeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir rassemblé autant de choses intéressantes dans les 35 minutes imparties. Et avant de passer la parole à la salle, une question générale. Je crois que tout le monde est frigorifié. Je vois chacun. Mais... Alors, est-ce que c'était dû uniquement au fait que la fenêtre n'était pas fermée ou est-ce qu'il faudrait demander d'augmenter le chauffage peut-être un petit peu? Parce que quand on est arrivé, on crevait de chaud, mais maintenant, c'est un peu le... Bien. Qui désire intervenir? On prend 10 minutes à peu près, je pense, pour deux discussions. Sandra, que je m'agis. Je trouvais que c'était vraiment passionnant la présentation de Herder et par rapport justement aux conceptions expressivistes contemporaines du langage, c'est un arrière-plan. C'est toujours passionnant, mais là c'est très clair. J'avais juste un ou deux points, je voulais en savoir plus parce qu'au début vous avez dit. Je trouvais évidemment très intéressant l'idée que pour qu'on puisse pas. On dire, rendre compatible l'individualité de l'expression singulière et puis le holisme, d'accord, on passe par l'idée de la voix, en fait. C'est ce que vous avez avec l'achetement aussi, avec toute cette thématique de l'accord et de la voix, avec l'idée, peut-être, dans ce cas-là, musicale, propre à l'expressivité, que finalement, on peut arriver à un accord dans l'université des voix, et on retrouve ça chez... dans d'autres pensées comme celle de Eckhart, c'était une piste intéressante pour résoudre le problème que vous posiez. Et puis j'avais une question en fait sur le passage où vous parliez de la... vous citez Herder, l'image incomplète et effacée des mots. C'était juste une question philologique, ça veut dire quoi cette phrase? C'est les mots qui sont une image incomplète Non, passé, c'est quelle image qu'ils produisent, c'est l'image que produisent les mots, en fait. C'est sa critique de l'abstraction du langage. L'idée qu'on peut, ça permet pas de saisir les singularités. Et donc, c'est quand même un peu concurrent, parce qu'il fait toute cette critique de l'abstraction du langage, qui peut pas saisir le singulier. Et puis, en même temps, il a passé toute sa vie à faire des peintures de la singularité, des peintures littéraires de la singularité. Une position un peu ambivalente. Parce qu'à la fois, il y a l'idée qu'il faudrait avoir cette capacité d'expressivité dans le langage même, mais après, il y a l'idée que, finalement, les mots sont des abstractions qu'il faudrait ajouter. C'est une position supplémentaire qui reste part. Donc, c'est en ça que c'est pas encore une théorie... Pas complètement. En même temps, sa critique de l'abstraction, elle vise surtout les notions générales, et il vise en particulier derrière, il vise les catégorisations de Montesquieu, la crainte, tout ça. Donc il vise des qualificatifs qui permettent de désigner tout un ensemble culturel. Il vise des principes aussi. Mais je crois qu'il y a quand même cette tension-là, parce qu'à la fois, c'est une critique de l'abstraction, et puis en même temps, ce qui permet de, d'exprimer la sympathie, c'est le langage. Après, c'est une philosophie qui est tellement pleine de tensions et de contradictions et de qui est aussi un peu fuyante. On sent que ça grince à plein d'endroits la philosophie herderienne, mais c'est elle est aussi vraiment assez. Moi, je l'ai trouvée tellement attachante. Mais bon, j'ai pas encore réussi à résoudre tous les tensions. Puisqu'il n'y a pas d'autres demandes de parole immédiates. Moi, je veux dire, j'étais très intéressé parce qu'effectivement, on a l'impression de voir tous les débats contemporains sur les paradoxes de l'universalisme, du relativisme, etc. C'est un degré tout à fait fascinant. Mais alors, du coup, une question au sein de la perspective herderienne qui est la vôtre, si on essaie d'isoler un des paradoxes, puisqu'au fond, cette perspective se développe contre l'hégémonie de la civilisation à la française, à l'universalisme français. Est-ce qu'on peut sympathiser de manière herderienne avec une langue et une culture qui affirment la suprématie de la civilisation sur la culture? Lui, il est, c'est difficile. Il essaye quand même, mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'applique pas vraiment son principe de connaissance empathique aux Lumières, par exemple. J'imagine. Finalement, il est empathique avec presque tout, sauf avec ses contemporains. Non, mais c'est vrai, c'est un des problèmes du texte. Il a pas cette, il n'essaye pas de saisir leur logique comme tout organique en disant voilà pourquoi ils ont raison pour eux-mêmes. C'est une des limites aussi. Non, mais ça, c'est vrai, je crois. Des problèmes. Oui, Christian. Oui, ça reste intéressant, la vie de la pensée de Herder, vous restituez très bien. C'est, au fond, je comprends plus la dimension épistémologique de façon générale. Quand on réfléchit sur l'empathie, c'est pour réussir à décrire correctement les relations interindividuelles ou pour poser des problèmes éthiques. Et là, on a quand même quelque chose d'assez original qui est une utilisation méthodologique de l'empathie, c'est-à-dire l'intégration de l'empathie dans un travail d'historien qui va ouvrir effectivement une voie intéressante dans les sciences sociales, qui va être la grande dichotomie entre le travail d'objectivation des sciences sociales qui se fonde sur la statistique, la catégorisation abstraite, les descriptions conceptuelles, et puis de l'autre côté, l'idée qu'il faut quand même aller au-delà si on veut essayer de comprendre quelque chose à la fois aux cultures, aux rapports sociaux, aux croyances collectives, etc., qu'il faut nécessairement, de la part de l'historien, du sociologue, un rapport d'empathie pour essayer d'aller beaucoup plus loin et revivre un peu de l'intérieur à la fois les systèmes de croyances auxquels on s'intéresse pour en comprendre l'individualité, surtout pour savoir comment ceux qui les vivent finalement les ressentent eux-mêmes. Donc on a cette sorte de débat qui commence avec Herder et ma question serait ça, est-ce que c'est le premier qui ouvre ce type de débat ou est-ce qu'on peut voir des antécédents? Parce que, d'après la manière de le poser, j'ai l'impression, en vous écoutant, que ça a l'air d'être le premier à ouvrir ce grand débat, qui n'est pas seulement un débat, qui, effectivement, le débat entre l'universalisme et la valeur égale de l'ensemble des cultures, effectivement, tout à fait, mais qui, au-delà, comporte cette dimension méthodologique extrêmement intéressante. Moi, j'ai l'impression que c'est assez fondateur, mais en même temps, la filiation rousseauiste, elle est forte. Et ça, Marc Crépon l'a vraiment dégagé. Il montre comment... Il rattache cette théorie herderienne de l'empathie à la pensée de Rousseau des voyages, où il faut pas lire, mais aller sentir une fois et aller voyager. Donc il y a cette filiation-là. Sinon, moi, j'en vois pas tellement d'autres. Mais je peux me tromper. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même un des premiers... grand moment d'élaboration de ce type-là. Oui, parce que surtout, c'est sur une échelle relativement vaste. Je pense c'est quand même, ça concerne à la fois les systèmes esthétiques... Oui, ça concerne tout. Il y a une esthétique, il y a une herméneutique. Ça concerne la mentalité. Enfin, j'ai l'impression que la totalité des éléments d'une culture qui sont pris, ça va peut-être prendre beaucoup plus loin que Rousseau, à mon avis. Oui, ça va plus loin. Ouais. Bon, ben la quête est ouverte. Est-ce que vraiment c'est le premier? Je sais pas. Bon, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, mais c'est vraiment un champ tout à fait passionnant que vous avez ouvert. Oui, Louis. Autour de l'idée de nation, est-ce qu'il est si empathique que ça? Pourquoi? Parce que j'avais lu, mais il y a très longtemps, et j'ai peur de je ne pourrais pas me tromper, un livre qui s'appelait « La défaite de la pensée ». Oui. Il me semble qu'il parlait d'Herder. Ah ben oui, c'était ça, tête de Turc. Oui, c'est ça, et c'est vraiment une des... C'est ça. Ouais. C'est vraiment tellement dommage, ce livre, parce qu'il fait de Herder une sorte de... un romantique qui est un anti-universaliste, voilà. Qui est, fait la promotion de la germanité, une sorte de père du nationalisme allemand. Et ça a tellement nuit à toute la lecture de l'œuvre herderienne. Moi, il faut replacer quand même ça, ce qu'il fait comme travail sur la promotion de la langue allemande dans un contexte qui est celui d'hégémonie culturelle du français. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit une sorte d'affreux nationaliste. Et puis en plus, il y a vraiment des travaux récents qui ont montré comment Herder se situait dans la modernité, intégrait le principe d'égalité, la position de l'individualisme à un autre niveau. Mais on a montré comment Herder était... Finkielkraut en fait qu'un anti-Aufklärer, alors que c'est un Aufklärer sous beaucoup de rapports. Je crois qu'il y a une philosophie du développement de l'humanité, il y a un humanisme herderien. Je crois qu'on a relu très différemment Herder depuis. Bon, n'en restons pas à Finkielkraut. Merci. N'en restons pas à Finkielkraut.